sur l'homme souillé et corrompu. Pour le rendre parfait, Dieu devient homme. Il les mène paître et prend soin d'eux. Va au cœur du grand dragon rouge pour sauver et vaincre les corrompus, faisant l'œuvre de les changer, de les renouveler. Il s'humilie pour être homme et endure l'épreuve qui s'ensuit. C'est la grande humiliation de l'Esprit très haut. Telle qu'il a